Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Où va l'humanitaire ? Une série de Michel Pomarède, réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a l'image de jeunes médecins français triomphant le sac de riz sur l'épaule, le souvenir de refrains entonnés par des stars, des photos d'enfants au ventre gonflé, et heureusement, il y a aussi ceux qui aident, ceux qui en ont besoin, malgré les dérives, les scandales et parfois les ratages. Alors pour commencer, les personnages. Un prof qui recommande le consensus, un chirurgien entre deux missions, un généraliste logisticien, docteur Justice et Pif, Henri Dunant, une jeune femme militante et des humanitaires face à l'ennui du retour. Ensuite le décor, un camp géant au Bangladesh, un hôpital près de Mossoul, le sentiment de communauté, l'humanitaire comme une drogue, le besoin d'être utile, les bonnes intentions, le Mozambique, l'exotisme, la bataille de Solferino, l'exemplarité bien entamée, Saigon, des reconversions, du sens à tout prix, le Rwanda, la tragédie et des vies plus intenses. Aujourd'hui, 4e épisode, le cours démarre. Le cas, il faut être 3% dedans. D'accord ? Donc, je vous le distribue, c'est 2 pages à lire chacun, chacune. Où va l'humanitaire ? Michel Pomarède, Vincent Deck. Les raisons de l'engagement. Donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée de ce cas, c'est de reprendre tout ce qu'on a vu depuis hier matin. Vous allez voir qu'il y a énormément de questions qui se posent, en fait, à la fois sur dans quel contexte on est, quel est le type de conflit dans lequel on est, et peut-être qu'on aura plusieurs types de conflits, je vous laisserai découvrir, quelle catégorie de personnes on a, qui sont les victimes, quel droit pour quelle victime. Il y a des acteurs qui sont plutôt dans un rôle positif par rapport à d'autres pas, quel rôle ils vont jouer, et vous avez une crise humanitaire à résoudre. D'accord ? Et vous avez 2h30. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Et c'est plutôt sain. Mais à un moment, il va falloir travailler sur le consensus. D'accord ? Parce que c'est comme ça sur le terrain. Les consignes sont claires ? Oui. Allez, vous pouvez commencer. C'est bon. Il y a ceux qui rêvent de partir sur le terrain, comme ces étudiants de l'Institut Bioforce à Vénissieux, un institut qui forme depuis 35 ans les futurs acteurs de l'humanitaire. Il y a ceux qui connaissent depuis des années la réalité des interventions d'urgence, qui ont affronté le danger et qui y retournent. Pourquoi ? Que cherchent-ils ? Qui partent-ils sauver ? Les autres ou une part d'eux-mêmes ? Jacques Berès, vous partez où demain ? En Irak, en dessous de Mossoul. C'est un endroit qui s'appelle Hamdaniyeh. Voilà. Je ne sais pas beaucoup de choses. C'est un hôpital qui existe, qui a eu des ennuis, qui a souffert du conflit et qu'on réhabilite. Et il y a 10 jours, vous étiez où ? J'étais au Bangladesh, à Cox's Bazar. Aujourd'hui, il y a 700 000 Rohingyas. Il paraît qu'il y en a plus de 950 000, c'est-à-dire on approche vraiment le million. C'est fou. J'ai passé plusieurs semaines, je suis allé en voiture, à pied. J'en ai pas du tout vu les limites, le bout, même la disposition, c'est très compliqué. C'est divisé en 20 arrondissements, comme Paris. Des tentes, des cabanes, des baraquements, des planches, des tôles, et on recommence, des baraques, voilà, Ils n'ont pas le droit de sortir. C'est un grand, grand rendez-vous de l'humanitaire international. Il y a tout le monde. Le PAM, Programme Alimentaire Mondial, ils assurent des distributions de nourriture. Il y a des queues, évidemment, pour attendre, mais il n'y a pas d'émeute, il n'y a pas de bagarre. Les gens savent qu'ils vont recevoir de quoi manger, de quoi... Bon. Les ONG font leur boulot, MSF fait du bon boulot. Il y a quatre sections de MSF sur place. Il y a les Français, les Belges, les Hollandais, les Espagnols. Et ils ont installé des belles structures. Il y a un hôpital qui est bien. Jacques Berès, vous avez mentionné Médecins sans frontières, Médecins du Monde. Ces deux organisations que vous connaissez bien, puisqu'en 71, vous étiez un des créateurs de Médecins sans frontières. En 80, Médecins du Monde à nouveau. Qu'est-ce qui vous fait courir le monde encore aujourd'hui ? Toujours les mêmes motivations. Hein. Moi, j'aime les gens plutôt. Je trouve que on est quelque part tous frères. On va retourner dans la même terre quand on sera plus là. Voilà, et j'aime bien aider les gens. J'ai la chance d'avoir une formation de chirurgien. Donc, j'ai la prétention de pouvoir être efficace. Voilà, de par ma formation, de pouvoir sauver quelques vies. Et ça, c'est formidable. Pour moi, c'est la vraie médecine, la vraie chirurgie. Celle qu'on fait comme ça, dans des coins assez pourris, dans des zones de conflit. En termes militaires, on appelle ça le théâtre des opérations. Oui. Donc c'est un théâtre où se joue la vie et la mort. C'est quoi votre rôle dans ce théâtre de la vie et de la mort ? Ben, c'est de faire ce qui est possible de faire avec des moyens assez dérisoires, ce qui est possible de faire en faveur de la vie, hein. D'être toujours du côté des victimes, mais aussi ne pas refuser de soigner les attaquants d'en face s'ils sont blessés. Mais c'est une drogue dure, hein, l'humanitaire. C'est une drogue dure. Je fais ça depuis presque 50 ans maintenant. Et quand une maman en pleurs vous apporte un gamin avec le ventre ouvert, les tripes à l'air qu'elle a mis dans un torchon, et puis elle court vers votre structure de soins et le gosse dans les bras, et qu'on remet tout en place, qu'on lave et qu'on referme, et que 15 jours après, le gosse, il est guéri, debout, il vous court après, il vous tire le pantalon en criant « bonbon, bonbon » en français, « docteur, bonbon, bonbon » parce qu'à la fois, il a guéri, ça guérit à toute vitesse, et puis il a appris ces mots-là en français, ben, on pleure d'émotion, quoi. Moi, je m'empêche de moins en moins de pleurer, d'émotion, de rage, de colère, je m'empêche de moins en moins de pleurer. Je joue de moins en moins les blasés. Et dans mes équipes, je ne veux pas que les gens soient blasés, enfin, affectent d'être blasés. Je trouve qu'il faut prendre les choses en pleine gueule et puis essayer de ne pas se faire une carapace. Oui, c'est comme ça, et puis on... C'est ça l'humanitaire. On y va avec de bonnes intentions, on peut se faire claquer la gueule et on recommence. C'est ça l'humanitaire. Mais il faut pas trop en faire, hein, pas trop s'en raconter, surtout pas trop s'en raconter. C'est symbolique, c'est très fort symboliquement, mais en réalité, c'est tout à fait dérisoire. Moi tout seul, sur des opérations importantes, je peux faire 8, 9, 10 opérations par jour au maximum, en bourrant comme un bourrin, la tête dans le guidon, etc. Sur les nerfs, sur l'adrénaline, le prochain bombardement, ça fait 50 morts d'un coup. Hein, et le chirurgien, il est en retard, quoi. C'est symbolique, c'est la fraternité, encore une fois. C'est d'être avec ces gens bombardés, blessés, massacrés, d'être avec eux pendant que ça leur arrive. Et ça, c'est très fort, ça, c'est vraiment très fort. Et on reçoit au moins autant que ce qu'on donne. Hein. On donne ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des soins, des... Bon. Et on reçoit... On reçoit une valorisation de soi-même extraordinaire, de l'amour, du respect des gens. C'est fou ce qu'on reçoit. Hervé Le Guillouzic, vous partez où et pour qui et pour faire quoi dans quelques jours? Alors je vais partir mercredi pour une mission exploratoire avec Médecins Sans Frontières, qui est la branche suisse basée à Genève. Donc c'est une mission de 2 mois exploratrice dans le jargon, pour évaluer la faisabilité de développer des programmes dans une région complexe, la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique. Mais Hervé Le Guillouzic, vous êtes médecin. Est-ce que vous avez une spécialité? Je suis médecin généraliste, formé à Kremlin-Bicêtre. On était très fiers, on formait beaucoup plus de généralistes que de spécialistes. Une fac un peu rouge. Hein. Et je me considère d'abord comme un médecin généraliste. Mais c'est vrai que je ne suis plus un médecin généraliste. J'ai toujours un stéthoscope et un otoscope sur moi. Mais je soigne plutôt des populations, j'analyse plutôt des situations. Donc je soigne plutôt des populations plutôt que des individus. Juste revenir sur cette décision, vous faites une thèse de médecine sur un sujet donné et vous allez voir MSF, mais vous auriez pu aller voir un hôpital public, aller frapper à une université pour enseigner. Pourquoi ce geste humanitaire? Moi, je pense que c'est d'abord un rêve de gamin. Moi, il y avait un journal qui s'appelait Pif Gadget. Et dans Pif Gadget, il y avait une aventure, l'aventure du docteur Justice. Alors, docteur Justice, c'est un beau gars qui fait du karaté, qui travaille pour l'OMS et qui casse la gueule à tous les méchants et qui sauve la veuve et l'orphelin. Et je crois que ça m'a marqué. Et je pense que dans ma tête, quand j'ai fait médecine générale, j'ai vite compris que moi, j'aimerais bien aussi travailler, pas uniquement dans la santé, mais aussi dans quelque chose, dans un monde un peu plus beau, un peu plus juste. Et à l'époque, c'est vrai que l'humanitaire, moi, je suis 10 ans plus âgé que Kouchner, donc on était encore dans cette vague assez positive des French doctors, hein, de ces médecins humanitaires qui s'exportaient un peu à travers le monde. L'autre chose, c'est que pendant 2 ans, j'ai remplacé des médecins généralistes et je me suis aperçu aussi du travail des médecins généralistes. Et je dois remercier quelques patients qui m'ont fait réaliser que quelque part, je ne savais pas si j'avais fait autant d'années d'études pour résoudre des problèmes ou des non-problèmes ou pour être sous pression par rapport à avoir des arrêts de travail ou prescrire des contraceptifs à 4 heures du matin en étant appelé en urgence. Enfin, il y avait quelque part la médecine générale. Je trouve que c'est un métier très louable, très dur. J'ai trouvé très dur et j'avais envie de peut-être plus d'aventures. J'avais envie de voyager. Je pense que j'avais besoin de justice et j'avais besoin d'exotisme aussi, pour être franc. J'aime beaucoup les langues. Je parle un peu laotien, thaïlandais. Je comprends un peu de cambodgien. Je parle très bien portugais. Je parle anglais, français. Malheureusement, mon breton n'est pas très bon. Mais j'étais assez fier de faire ce travail. Je pense que l'humanitaire de l'époque était, encore maintenant, hein, mais était peut-être moins galvaudé, peut-être moins... Il y avait quand même... J'aimais bien le respect que ça pouvait imposer, hein, quoique l'intérêt de mes amis de retour en France ou en Suisse était très limité. Parce que quand vous revenez, les gens peuvent vous écouter 10 ou 15 minutes sur ce que vous faites, mais bon, c'est très difficile d'attirer leur intérêt sur des problématiques des Tutsis au Rwanda ou des Khmer Rouges au Cambodge ou des jeunes filles adolescentes dans les favelas de Rio de Janeiro. Donc il faut savoir être synthétique. Moi, je regrette pas. Je pense que c'était... J'ai la chance d'avoir pu réaliser mon rêve de gosse. Alors, on reprend sur ce qu'on avait dit hier. Donc, la lecture d'hier, c'était l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève. Je vous écoute sur l'article 3 commun. Qu'est-ce qu'il inclut, cet article 3? Je vous rappelle que l'article 3, il est considéré comme le cœur même des 4 conventions de Genève et que l'article 3, c'est commun aux 4 conventions de Genève de 1949, c'est la base, la première base, la base la plus pertinente qu'on utilise, juridique, qu'on utilise dans le cas de conflits armés non internationaux. Ça, on l'a vu hier déjà, je vous l'ai dit. Et c'est très important à avoir en tête. Après, on peut aller chercher d'autres choses dans les conventions de Genève, mais la base première, c'est cet article 3 commun. Le premier point, c'est traitement avec humanité, impartialité, principe de non-discrimination. Quelle que soit l'ethnie, la religion, tout motif qui peut être discriminant, non. Non-discrimination. D'accord ? Donc traitement égal, égalité de traitement entre les personnes qui ne participent pas ou plus directement aux hostilités. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on a ? L'obligation de soigner les personnes blessées. Soigner les blessés ou les malades. Ok. Ça vous évoque quoi, soigner les blessés et les malades ? Allez, on refait un tour en arrière. Historique. Solferino. Alors, Solferino, racontez-moi Solferino. Allez, qui peut me dire en deux phrases Solferino ? Oui, on l'a vu hier, allez. Donc, Henri Dunant, qui était un homme d'affaires, au cours de son trajet, est tombé à Solferino sur les restes de la bataille de Solferino. Donc, il a trouvé principalement des blessés militaires abandonnés par les deux camps. Et donc, il a organisé des volontaires civils pour pouvoir venir en aide à ces blessés des deux camps, d'où le principe de neutralité. Katia, 10 minutes de pause dans ce cours sur l'éthique et le droit humanitaire. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bah, parce que j'ai une carrière dans l'humanitaire depuis le début. Je suis donc responsable logistique avec un pôle aussi de coordination. Je suis affectée à l'Afrique de l'Ouest, donc Guinée-Conakry, Bénin. J'ai fait le Mali, le Sénégal. J'ai aussi travaillé sur des campagnes en Somaliland, en Éthiopie. Alors, qu'est-ce qui vous manque dans votre cursus pour venir ici ? Bah, Bioforce, c'est un peu une carte de visite dans l'humanitaire. Donc si par la suite on veut travailler pour d'autres grandes ONG ou tout simplement... changer de poste ou augmenter dans sa carrière professionnelle, Bioforce, c'est un tremplin. Katia, vous avez parlé de vos différents postes, mais la motivation de dire ça va être ma vie, c'est quoi au fond ? En fait, trouver un but à sa vie. Et quel est le meilleur but de se dire je vais aider les autres ? En vrai, aider les autres, c'est un peu s'aider soi-même, je pense. Vous avez quel âge ? Alors moi, j'ai un parcours très bizarre, j'ai 22 ans. Donc c'est vrai que je suis la plus jeune de la promo, du coup... L'été prochain, vous serez où ? Bah, moi, j'aimerais travailler pour le conflit israélo-palestinien. Je voudrais aider la cause palestinienne dans ce conflit, tout simplement. Donc, vous êtes militant aussi dans votre engagement ? Forcément. Je pense que tout humanitaire, toutes les personnes que vous pouvez interviewer ici, quand on fait de l'humanitaire, on a un côté de révolutionnaire quand même. On veut changer le monde. On sait que c'est pas possible, du coup. Hein. Mais on part du principe que... Avant de changer le monde, il faut changer son monde. Est-ce que vous avez vu des infractions à l'éthique quand vous étiez sur le terrain ? Ah, bah forcément, mais je pense que c'est dans tous les métiers. Hein. Et ce qui s'est passé au niveau d'Oxfam, les abus sexuels, est-ce que ça vous a choqué ? Bah, dans l'humanitaire, ça arrive en fait. Donc du coup, les gens n'en parlent pas parce que dans l'humanitaire... c'est une petite... ça paraît grand, mais tout le monde se connaît. Donc, du coup, c'est des choses qu'on ne dit pas. Mais oui, ça existe. Et oui, mais je pense que dans tous les métiers, hein, quand on est dans un bureau, il y a des femmes qui se font harceler psychologiquement par des hommes. Hein. Donc là, du coup, c'est la même chose. Mais c'est vrai que ça semble, plus choquant, étant donné qu'on est là pour aider, pas pour, créer des problèmes à d'autres personnes. Nordine Drissi, j'évoquais avec Katia les scandales Oxfam, donc restituons le débat, usage de prostituées par certains membres de l'ONG, abus sexuels par ces mêmes membres de l'ONG, tout ça en 2010 en Haïti, d'autres cas révélés au Soudan, au Liberia. Comment est-ce que vous, ici à Bioforce, comme vous intervenez dans les cours, vous abordez ces questions ? Ça rejoint la question de l'éthique, des principes humanitaires, chose aussi qu'on voit dans le cours qu'on a vu aujourd'hui. Il y a un principe qui est très important, c'est dans l'éthique humanitaire, c'est celui de ne pas nuire. On doit faire en sorte qu'à toutes les étapes du projet, on ne mette pas en œuvre des actions, on n'ait pas de comportement qui puisse être néfaste ou qui ait des effets négatifs par rapport à l'objectif qu'on vise. Après, c'est clair qu'il y a une question de, quand ces cas arrivent là, une question de rupture de confiance qu'il va falloir reconquérir. Ça va prendre du temps, il y a une plaie, il va falloir la refermer. C'est dommage, mais c'est important aussi que, et ce que moi je dis aussi aux étudiants, c'est que votre comportement ne vous implique pas que vous uniquement. Vous avez une responsabilité individuelle, mais vous avez aussi un devoir d'exemplarité, parce que votre responsabilité, elle vous engage vous personnellement, mais elle engage les programmes, et elle engage l'institution, l'institution dans le pays, et l'institution au niveau international. Donc ça va au-delà, et c'est comme ça que vous voyez les acteurs. Ils vous voient pas comme logisticien seulement, ils vous voient comme représentant de telle organisation. Et donc, il faut faire extrêmement attention à, voilà, c'est un vrai sujet, hein, la question du recours à la prostitution, de l'alcoolisme, enfin, soyons francs, c'est un vrai sujet. Comment il est traité ? Il est traité, de différentes façons et selon les ONG, mais il y a de plus en plus de psychologues dans les ONG qui suivent des personnes, voilà, qui sont plus fragiles. Il y a aussi une codification dans le sens où on a une charte d'engagement en général qu'on signe, qu'on lit, qu'on signe, où il y a des règles éthiques qu'on s'engage à respecter. C'est un document contraignant. Et puis il y a aussi, dépendamment de l'équipe, hein, mais il peut y avoir aussi un regard de la part de l'équipe sur des personnes plus fragiles aussi. On est un groupe, on est une équipe, donc on fait aussi attention. On travaille en équipe, mais on fait aussi attention à l'autre. Ouais, camarade. Mais t'as des nouvelles de mon visa ou pas ? La frontière est fermée, je te rappelle, je t'embrasse. Ah putain. Donc c'est chiant. En même temps, c'est l'actualité. Vous partez demain, il y a le visa, la frontière fermée, c'est votre vie. Ah oui, ah oui. Saïgon 1968, est-ce que c'est ça le déclic ? C'est mon déclic parce que moi, je faisais mon service militaire national à VSN et c'était en pleine guerre américaine, à 700 000 GI sur le terrain. Et il y a eu cette offensive du Tet. Je travaillais à l'hôpital français, là, à l'hôpital Graal, et quand il y a eu l'offensive, j'étais tout seul parce que c'était le plus long week-end de l'année, et c'était le plus tranquille en principe, le week-end du Tet. C'est comme la fête de Noël ici, personne. Bon. Comme j'étais le plus jeune dans le grade le moins élevé célibataire, automatiquement j'étais de garde pour le week-end du Tet. Donc comme ça a commencé à tirer dans tous les sens, le lendemain de la prise de la ville, donc les gardiens ont fermé les grilles de l'hôpital, ont mis des chaînes, et bon. Et au bout de quelques heures, j'ai eu un coup de fil de mes copains de l'hôpital de Tcholon qui me disent « Bah ici, c'est l'enfer, c'est la fin du monde, il y a deux blessés par lit, il y a du sang partout, il y en a sous les lits, sur les lits, tête bêche, on n'a plus rien, on n'a plus d'instruments, on n'a plus de stérilisation, on n'a plus de tunique, on n'a plus de casaque, on n'a plus rien. » Ils disent « Est-ce que tu peux prendre des patients ?» Je dis « Oui, mais vous savez, je suis rien du tout, moi. J'avais fait quelques opérations personnelles, mais très peu. Enfin bon, j'étais vraiment nul. » Ils disent « Oui, mais de toute façon, ça ne peut pas être pire qu'ici, on te les envoie. » Et à la tombée de la nuit, il arrive deux camions pleins de blessés avec des drapeaux blancs, des chiffons blancs partout. Ils ont passé miraculeusement à travers la mitraille. Il y avait 63 blessés de guerre, avec des trous partout, du sang. Enfin bon, c'était compliqué. Donc je fais un tri. Vous savez, il y a trois catégories quand ça vous arrive, ce genre de truc. Il y a ceux qui vont mourir de toute façon. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner un maximum de calmants, d'antidouleurs, etc. Bon, les shooter un maximum et puis qu'ils meurent comme le moins mal possible. Ça, on les met dans un coin. Il y a ceux qui peuvent attendre un peu parce qu'ils ont des trous dans les jambes, dans les bras, mais y a pas, bon, ni dans la tête, ni dans le thorax, ni dans le ventre, ça peut attendre. Et puis les autres, qu'il faut opérer le plus vite possible en classant par ordre de courte durée d'intervention, si on peut, c'est-à-dire ceux qui n'ont qu'un ou deux trous, et pas, bon, etc. Donc je fais mon petit classement comme ça, et puis je pars au bloc. Et alors j'ai opéré toute la nuit, toute la journée d'après, et toute la nuit d'après. Tout le temps. Une nuit, un jour, une nuit. Trois jours, quatre jours après, je voyais des gens qui me souriaient, qui me remerciaient beaucoup, qui me tendaient des mains. « Merci docteur, merci, c'est formidable. » On m'avait présenté comme le héros qui avait tout sauvé, etc. Bon, et alors, après, moi j'ai eu envie de rejoindre les Viet Cong, donc je cherchais. Alors, à Chelonne, justement, qui était le dernier îlot de résistance, qui avait été bombardé à ras de terre par les Américains. Donc, je demande si c'est là que sont les Viet Cong, et on me dit oui, ils sont là. Et c'était, il y avait un petit arroyo à traverser pour y aller. Et c'était un pont très bombé, comme ça, un petit pont très bombé, ce qui fait qu'au départ, je ne voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et il y avait deux gamins. Dans l'échange de regards, j'ai vu que j'allais mourir. Parce qu'eux voyaient à la fois un occidental barge au milieu du pont et le comité d'accueil qui m'attendait au bout du pont. Et ils m'ont sauté dessus, le comité d'accueil. Après, ils m'ont poussé sur le mur des fusillés. Il y avait des trous dans le mur, il y avait du sang, il y avait des morceaux de boîte crânienne avec des touffes de cheveux collées dans le mur. Ils m'ont poussé contre le mur, j'ai refusé qu'on me bande, j'ai continué à parler. Et ils ont tiré, mais ils ont tiré à côté pour s'amuser. J'ai vu les petites flammes sortir du canon des fusils d'assaut. Donc Jacques Berès, en 1968, à Saïgon, ouais. Vous avez failli mourir. Vous êtes un survivant, et est-ce qu'on pourrait dire que c'est le destin, votre définition de l'humanitaire, c'est un survivant qui aide d'autres gens à survivre? Ah oui, c'est tout à fait ça. Depuis cette époque, moi, je me trouve en sursis. J'ai un espèce de sentiment qu'on peut trouver ridicule aussi, mais un espèce de sentiment de fraternité humaine. Voilà. Bartol Behrens de Haan, vous aussi, vous étiez à Saïgon en 1968. Comment est-ce que vous avez vécu ce baptême du feu ? J'ai été presque surpris d'être pris sous les roquettes dans la ville de Saïgon parce que je ne savais pas du tout que ça pouvait arriver dans la nuit surtout. Donc on se cachait sous son plumard et on se demandait si on n'allait pas recevoir des éclats du projectile. Mais je dirais que c'était une mission qui m'a bouleversé, oui, qui a fait que 30 années plus tard, je suis retourné dans l'humanitaire à cause de cette intensité relationnelle que l'on vit quotidiennement dans une telle action. Donc j'ai eu de cesse de tenter de retrouver ce rapport humain, et c'est pour ça qu'à un certain moment j'ai quitté mon cabinet de chirurgien plastique et reconstructif que j'avais à Genève pour repartir en mission. Hervé Le Guillozic, 1994, Kigali, Rwanda, vous êtes sur place, vous y faites quoi ? Je travaillais pour une organisation qui s'appelle le Comité International de la Croix-Rouge. Je suis arrivé en 93 après avoir été au Laos. J'étais très fier de travailler pour le CICR, c'était une des organisations les plus réputées, les plus sérieuses, les plus techniques, les plus compétentes dans les situations de conflits armés. Et là, il y avait déjà un conflit armé qui avait commencé avant, et il y avait 900 000 déplacés de guerre. Racontez-moi comment vous avez traversé ce génocide. D'abord, pendant 20 ans, j'ai rien raconté à personne. Parce qu'à chaque fois que je racontais, je me mettais à ricaner bêtement. Parce que je pense que j'ai été gêné d'avoir vu ce que j'ai vu. Et donc, raconter l'indicible, c'est un oxymore. Donc, j'ai pas beaucoup raconté. Maintenant que j'ai pu prendre le temps et de réfléchir, j'ai pu un peu rassembler mes esprits, mais je pense que on a fait la décision extraordinaire de décider de rester, alors qu'il y avait tous les Nations Unies, qui pourtant eux étaient armés, qui ont plié bagages. Donc j'ai depuis une dent méchante, vraiment j'ai du mal avec les Nations Unies. Mais on s'attendait à une vague de violence, mais là on a eu un tsunami. Donc on a été très très vite dépassé. Et on a décidé de rester à 5 étrangers pour déjà sauver nos collègues nationaux qui sinon auraient été assassinés. Et on a réussi à monter en catastrophe un hôpital de campagne dans une école de jeunes filles chez les sœurs salésiennes de Don Bosco qui était juste à côté de la délégation sur la colline. centrale. Donc on a monté un hôpital, alors vraiment avec les moyens du bord. Et heureusement, on a eu l'aide de Médecins Sans Frontières qui allait partir, quitter, parce que la sécurité ne le permettait pas. Donc pour, comment vous raconter, c'est qu'il n'y avait pas du tout la sécurité pour travailler. Je pense que si c'était à refaire, personne ne le referait. Voilà, on a décidé de le faire. On a, on a joué un gros coup de poker. On a eu de la chance pour, pour nous. On a eu de la chance pour aussi pour tout le, l'hôpital n'a finalement pas été massacré. Ce qu'on a fait, maintenant je donne une image, si je vous disais que j'ai monté un poste de premier secours à Auschwitz, vous me prendriez certainement pour un fou. C'est un peu ce qu'on a fait. On a monté un hôpital au milieu du carnage. Donc là, c'est une action extrême, difficilement racontable et qui, moi, c'est quelque chose que, à l'époque, il n'y avait pas de soutien psychologique. C'est venu après, après la Yougoslavie, après le Rwanda. C'est vrai qu'on a, quand je suis rentré de là, j'étais un peu, on est resté un peu seul face à des souvenirs. Et on n'était plus tellement sûr d'avoir vécu ce qu'on avait vécu, d'avoir vu ce qu'on avait vécu. Parce que quand on dit qu'on marchait sur les cadavres, ce n'était pas une image, on marchait sur les cadavres. Donc l'hôpital, on ne savait pas où, où enterrer les gens. Voilà, c'était l'expérience la plus dure, la plus. En même temps, on a sauvé quelques centaines, quelques milliers de vies au milieu de plus, presque un million de victimes. Donc c'était une goutte dans l'océan, mais c'était pour reprendre les images, c'était quand même une lumière dans les ténèbres. Ça vous hante encore ? Maintenant, je dirais non. Je pense que pendant des années, j'ai fermé ça à cadenas, c'est-à-dire c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. J'ai mis longtemps pour réaliser et j'ai eu de la chance que j'ai pu revoir un collègue médecin qui s'occupait des PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, et donc ça m'a permis de revisiter ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. La Croix-Rouge a été très fair play, m'a redonné un accès total aux archives pour comprendre, parce que j'étais arrivé à une situation où j'étais pas certain d'avoir vraiment fait ce que j'ai fait ou vécu ce que j'ai vécu. Et il m'a fallu 20 ans pour me dire il faut que je regratte là-dessus et que je ressorte les fantômes du placard. Bartol Behrens-Dehaene, vous êtes psychiatre. Vous avez été au CICR pendant une dizaine d'années, en charge du débrief des délégués au retour de leur mission. Aujourd'hui, vous accueillez toujours dans votre cabinet des acteurs de l'humanitaire. Sont-ils au clair sur les raisons de leur engagement ? L'humanitaire qui part, il part pour alléger un peu les souffrances des populations prises dans la guerre ou dans des fléaux autres, comme les catastrophes naturelles. Et il va faire des rencontres au cours de ce périple. La première rencontre qu'il fait, c'est peut-être la solitude, la situation d'expatriation dans un pays qu'il ne connaît pas forcément et loin des siens. Et puis alors, au cours de son travail, il va rencontrer la souffrance des victimes à laquelle il devra s'habituer. Et lorsque les choses tournent mal, il va rencontrer l'incident de sécurité, l'image ou la proximité de la mort. Et parfois même, il sera lui-même victime de ce qu'il voulait alléger, donc il pourrait être pris en otage ou être blessé. Au bout du compte, il va aussi, et c'est ça qui m'a toujours intéressé, il va rencontrer parfois pourquoi est-ce qu'il est parti en mission humanitaire. Qu'est-ce qu'il voulait au fait sauver de lui ou de l'humanité en partant, une partie de lui parfois, une partie de sa vie d'antérieure, une partie de ses souffrances. Donc voilà, ça, lorsqu'il revient et qu'il est désarçonné, on tente avec lui de comprendre pourquoi est-ce qu'il est parti. Comme les militaires, il y a quelque chose d'excitant dans l'environnement de guerre et qui fait que tout est plus intensifié. Les relations humaines sont plus fortes, les rencontres sont d'une plus grande force et laissent des traces importantes. Donc les humanitaires parfois s'ennuient au retour et ne pensent qu'à une chose, c'est de repartir. C'est quelque chose qu'il faut tenter de canaliser. Comment ? Je crois en obligeant les humanitaires à un repos indispensable entre les missions, qui leur permet aussi de se resocialiser et de retrouver les réseaux familiaux et d'amis qu'ils ont abandonnés, et d'arriver à déceler ces stress. Donc la préparation à la mission est fondamentale. Oui, c'est une surcharge d'émotions, quelque chose qui n'a jamais été ressenti auparavant, quelque chose auquel ils ne peuvent pas se préparer. Et c'est pour cela que le travail des ONG est de leur faire anticiper le mieux qu'ils peuvent ce qu'ils vont voir. C'est une épreuve. Aucune mission humanitaire n'est légère. Elle va toujours être lourde, elle va transformer la personne qui l'a fait. C'est l'humanitaire aussi, malheureusement, c'est le métier d'humanitaire, c'est qu'on essaie dans les opérations humanitaires au maximum de minimiser le risque, quel qu'il soit, de minimiser le risque. Le degré zéro n'existe pas, il y a toujours des incidents mineurs ou majeurs, mais il y a toujours des petits incidents, je ne veux pas vous faire peur bien sûr. Il y a des règles de sécurité que vous devez lire et que vous devez signer, vous vous engagez, c'est contraignant pour vous, enfin donc il y a tout un système qui est derrière. Hein. Alors, protection de la mission médicale, donc pourquoi j'ai voulu parler de ça ? Parce qu'en général, dans les promotions de Bioforce, on a des logisticiens, pas mal, je crois que c'est le cas, ça va être le cas ici, n'est-ce pas ? Des logisticiens ou des paramédicaux ou des médicaux. Vous, aussi, sur des fonctions de support, vous êtes aussi concernés par le droit international humanitaire. Et c'est dans ce cadre que l'emblème, et ça c'est très important, Croix-Rouge, Croissant-Rouge ou le troisième, le cristal rouge, doit être respecté en toutes circonstances. Pourquoi je parle de l'emblème ? Parce que dans certains cas, il est préférable de s'abstenir de mettre un emblème. Dans certains pays en conflit, on situe par exemple au Moyen-Orient, je ne donnerai pas de pays, où il y a un contexte d'occupation, voilà, vous voyez ce que je veux dire. À certains endroits, les humanitaires préfèrent ne pas mettre de drapeau, en fait, parce que c'est un risque de se prendre des jets de pierre ou autre. On a des ennuis, il y a des problèmes, il y a des drames. Vous les voyez aussi, ces drames, des humanitaires. Mais globalement, ça marche. Nandrine Drissi, vous sortez là du cours Droit international humanitaire et éthique à Bioforce. D'abord, un premier regard sur vos étudiants. Ce sont des étudiants avec des profils très particuliers, très hétérogènes, mais qui sont, je pense, il y a un dénominateur commun, qui sont dans des étapes professionnelles où ils sont tous à la recherche d'un sens, en fait, à ce qu'ils font dans la sphère du professionnel. Donc, ils veulent redonner du sens à leur parcours, à leur carrière professionnelle. C'est des gens qui ont entre 25 et 50, 55 ans. On veut redonner du sens, en fait. On veut faire quelque chose qui soit gratifiant, qui soit reconnaissant, à la fois pour soi-même et pour les autres. Et je pense que c'est une valeur très, très importante qui transcende tous les métiers, puisque là, on a plutôt quand même une filière qui sera plutôt destinée à des métiers logistiques, mais qui a aussi son importance sur plein niveau, et c'est ce que je dis aussi dans le cours, hein, sur la réalisation et la mise en œuvre du droit international humanitaire. Revenons à vous. L'humanitaire, c'était donner un sens à votre vie au jour où vous êtes engagé dans cet univers ? C'était pas forcément donner un sens à ma vie, c'était plutôt allier un parcours personnel et des envies professionnelles à l'international. C'est pour ça que j'ai étudié l'arabe. Et je parlais de personnel aussi, parce que moi je suis issu de culture. Ma mère est française et mon père est algérien. Mes parents m'ont indiqué sur des valeurs de travail et d'égalité et de justice. Et je pense que j'ai ça très fort en moi. La question de la recherche de la justice et des gens pour lesquels la justice n'est pas accessible. C'est aujourd'hui ça d'ailleurs que je fais dans mon travail au quotidien. D'essayer d'expliquer que les gens peuvent avoir accès à la justice, de leur expliquer, de voir quels sont les droits, quels sont les mécanismes auxquels ils peuvent avoir accès. Voilà. Mais cet idéal de justice, oui, je pense que c'est très fort en moi. Et j'ai cette recherche aussi, voilà, de ma partie arabe aussi, qui a fait que je voulais absolument utiliser l'arabe C'était peut-être aussi une question de défi personnel. Faudrait, bon, bref. Mais que je voulais absolument utiliser l'arabe dans le cadre professionnel. Et c'est effectivement comme ça, moi, que je suis rentré au CICR, où j'ai travaillé pendant une année comme interprète, basé à Jérusalem, dans les territoires palestiniens, et en visitant les lieux de détention. Voilà. Et l'idée, c'était de voir si les prisons, alors il y avait des deux côtés, les prisons israéliennes et les prisons palestiniennes, respectaient les dispositions du droit international humanitaire sur la question des conditions de détention et traitement des personnes privées de liberté. Voilà. Donc vous étiez déjà, au bout d'une année, au cœur d'une application des conventions de Genève de 49. Complètement, oui. Complètement. Vous commencez par le cœur du Graal, on pourrait dire, du métier. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que cette mission a été extrêmement formatrice pour la suite. On reprend. Alors, protection des personnes. Protection des personnes, les non-combattants. Alors, je vous ai dit, en droit, on a ce qu'on appelle une protection générale et des protections spécifiques, notamment sur la question des civils et notamment sur la question des personnes privées de liberté, donc des détenus. Donc on a la protection des personnes, blessés, malades et naufragés, prisonniers de guerre et détenus, et civils. Ah ah, prisonniers de guerre. À votre avis, prisonniers de guerre, à quel type de conflit ça s'applique? Prisonniers de guerre et prisonniers, en fait, c'est ça? Prisonniers de guerre, je parle de prisonniers de guerre. On parle de prisonniers de guerre uniquement dans un cas de conflit armé international. Stop. Après, effectivement, il y a des détenus qui se trouvent dans des conflits armés non internationaux. Mais ils n'auront pas le statut de prisonnier de guerre. Pourquoi les Américains ont effectivement, à un moment, inventé la question, cette nouvelle catégorie de combattants illégaux? Un prisonnier de guerre, on a le droit uniquement de l'interroger sur son nom, son matricule et son armée de référence. On n'a pas le droit de lui poser des questions complémentaires. C'est inscrit dans les conventions de Genève. Et ça, c'est un problème quand on a des gens accusés de terrorisme et qu'on va leur soutirer des informations. Donc on va inventer un nouveau statut. Combattants illégaux, Hervé Le Guillouzic, c'est le terme qui est employé pour les personnes qui sont détenues à Guantanamo depuis 2001 par l'Amérique. Guantanamo, vous y êtes allé. Pourquoi faire? Oui, ennemi combattant. Bon, ça, c'est une invention américaine qui s'assoit sur le droit international. Donc, ça n'existe pas. Enfin bon, c'était des prisonniers. C'était des prisonniers qui étaient dans des conditions de détention cruelles et inhumaines. Et le CICR a pour mandat de rendre visite aux prisonniers de guerre. Ce mandat a été élargi car on visite énormément de lieux de détention dans le monde. J'ai eu l'occasion effectivement de faire une visite à Guantanamo. Et voilà, c'est quand même pitoyable de voir qu'un grand pays comme les États-Unis puisse créer une absurdité comme ça, hein, une prison extraterritoriale sur une base militaire dans un autre pays qui est Cuba. Bon, voilà, c'était un non-sens, c'était une erreur. Et on avait bien expliqué par A plus B plus C que les conditions de détention étaient absolument inacceptables et qu'il fallait les changer, notamment les grilles. Enfin, il y avait tout un système de pression psychologique et physique qui s'apparente au mot tabou à l'époque, qui était le mot torture. Et où était le docteur justice de votre enfance, Hervé Le Guillouzic? Ouais, c'est une question. Bah, c'est peut-être là que je rentrais dans un système. En tant que médecin humanitaire, là, j'avais mon rôle à jouer, hein, par rapport aux conditions de détention et éventuellement l'usage des mauvais traitements. Mais voilà, je n'avais pas de pouvoir de faire plus ni d'arranger les conditions de détention ou de faire sortir les gens qui auraient dû sortir de cette prison. Là, le docteur justice... Il n'a pas eu des résultats directs par rapport à son envie de faire le bien. Ceci dit, on avait quand même un contact humain. Donc le peu qu'on pouvait faire, c'était quand même de considérer ces gens comme un être humain. Bon, voilà, c'est le docteur justice, c'est ça qu'il a fait. Mais il les a pas fait sortir de tôle. Bartol Behrens-Dehaene, un des autres cofondateurs de Médecins sans frontières, Xavier Emmanuel, lui, parlait d'une initiation à la vie tragique pour décrire ce que cherchent peut-être les humanitaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Ah, j'aime beaucoup. C'est pour moi fondamental parce que si je pense à ce que l'humanitaire m'a apporté à moi-même, une grande ouverture sur le monde et sur la réalité du monde, je pense qu'il a tout à fait raison que c'est une initiation à la vie tragique et qu'il est indispensable justement de préserver cet espace d'initiation pour les générations futures. Mais Emmanuel y ajoute une chose, il dit aussi qu'il faut réserver à l'humanité la naïveté de l'enfant. Et je trouve que c'est aussi une belle formule. Il y a une espèce de candeur dans l'humanitaire qui part et qui veut transformer ou améliorer la planète. Et il part avec des espoirs un peu d'enfant. Et lorsqu'il se retrouve confronté à un traumatisme, à la proximité de la mort, là, il va être complètement ramené à l'état d'enfance et il aura besoin d'une consolation. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent de mission et qui ne veulent plus repartir et pourquoi ? Ah oui, alors il y en a pas mal qui rentrent et qui ne veulent plus repartir. C'est ce que j'appelle quand le voile s'est déchiré. Ils ont compris qu'ils partaient non pas pour sauver le monde, mais pour sauver une partie de leur propre souffrance. Et lorsqu'ils l'ont compris, alors à ce moment-là, la difficulté de repartir sur le terrain et de s'isoler n'est plus acceptable. Mais le retour est difficile. Le retour va être difficile parce qu'il va falloir analyser avec eux pourquoi est-ce qu'ils sont partis et les aider à se réadapter à une vie, entre guillemets, plus conventionnelle. Caroline, vous avez été sur le terrain pendant une dizaine d'années. Comment est-ce que vous pourriez décrire les émotions, les sensations que vous avez ressenties ? Il y a une forme d'addiction, et notamment il y a une addiction à l'adrénaline. Il y a aussi une addiction à une forme de reconnaissance, parce qu'au final, tout ça, c'est ça qui a fait qu'on existe finalement comme personne, que ce soit sur place ou au retour, dans la perception des gens autour. Il y a quand même il y a une volonté de venir en aide aux autres, ça clairement, mais il y a, je pense aussi, quand même une grande part de volonté de se venir en aide à soi-même, ne serait-ce que parce qu'on a besoin d'exister de manière plus ou moins intense, suivant ce qu'on vit de manière personnelle, quoi. En plus, il y a cette part de... Enfin, moi, j'ai rarement discuté des difficultés, par exemple, sur le terrain avec mes amis au retour. D'abord, ça n'intéresse personne. Voilà, donc il y a une espèce de mystère comme ça qui entoure l'humanitaire, qui revient d'une zone de guerre et qui pourtant est super happy. Dans mes retours, j'avais l'espace d'être une espèce d'héroïne incroyable. J'ai une amie humanitaire, donc c'était une espèce d'aura splash comme ça. Mais un truc que j'ai pas compris, Caroline, pourquoi est-ce que vous voulez arrêter l'humanitaire ? Je trouve qu'il devrait y avoir un truc qui s'appellerait les humanitaires anonymes, un peu comme les alcooliques. J'ai arrêté une première fois, j'ai fait un burn-out assez sévère et qui m'a pris 5 mois pour me sortir de là. J'étais fatiguée, je pense qu'il y a aussi une espèce de syndrome d'immortalité parfois chez les humanitaires, où rien peut nous arriver, enfin voilà, on avance, on est là, dis donc, tu baisses ton fusil, machin. Mais voilà, mais avec le cumul d'expériences sur le terrain, avec les choses de la vie qui se passent, avec l'âge, etc., finalement, on se rend compte, les gens qui décèdent autour, voilà, on se rend compte, de manière plus ou moins brutale, suivant les personnes, qu'on n'est pas immortel. Et moi, j'ai commencé sérieusement, en fait, à avoir peur quand je suis partie sur des terrains après ce burn-out. J'avais vraiment peur de mourir, donc... Et ça m'amusait plus l'idée de mourir le poing levé sur ma barricade. donc là, vraiment, après ce burn-out, je suis repartie sur un terrain beaucoup plus calme. Et puis, je suis rentrée, j'ai fait des petites missions à droite à gauche, parce que je n'avais pas trop quoi faire d'autre. En fait, on n'a pas le temps de réfléchir. Je suis sortie de manière par palier, on va dire. Ouais. Vous avez quel âge, Caroline ? J'ai 44 ans. Et est-ce que ces 10 dernières années, la vie sur le terrain, l'humanitaire, ça a permis de concilier dans votre vie une vie personnelle ? Absolument pas. non, pas du tout. Si on parle de relations amoureuses, ça a été plutôt peu des relations dans nos colonies de vacances, c'est-à-dire une mission, et puis parfois il y a une rencontre pendant cette mission. Et puis la rencontre, finalement, elle ne dure pas. Du peu de possibilités, finalement, à partir en couple. Voilà, donc non, c'est très compliqué. C'est compliqué de... Même du relationnel amical, même dans une certaine mesure du relationnel familial, c'est pas facile à gérer, finalement, à alimenter. D'ailleurs, c'est intéressant, je réfléchis en même temps que je parle, parce que maintenant, quand je rencontre des personnes, je fais en sorte que ce ne soient pas des personnes qui soient dans l'humanitaire. Je suis beaucoup plus dans une dynamique de construction, de se poser, de nidification, je crois qu'on dit en psychanalyse de cuisine. Où va l'humanitaire ? Je pense que l'humanitaire doit rester proche, disponible, ne pas être avalé par les outils qui sont cessés de nous aider. Mais ça, c'est un constat global. Je parle de l'ordinateur portable, je parle de l'électronique. Je pense que les gens sont hyper spécialisés. Je pense qu'il y a beaucoup de communication, qu'on évalue l'humanitaire au nombre de clics sur des hyperlinks. Et je pense aussi qu'on est beaucoup plus collé à la culotte maintenant par rapport aux donateurs. Les donateurs veulent savoir où ils mettent leur argent. Donc il y a une énorme pression pour toujours suivre, ça c'est normal, monitoring, ou évaluer, ce qui n'est pas toujours possible. Donc il y a une énorme pression pour collecter des données, pour faire des rapports. Et je pense qu'on était plus serein. Moi j'avais des conditions de travail où... Je pouvais passer des après-midi à discuter avec des gens pour comprendre des situations, pour comprendre les signes de risque, pour qu'il y ait de l'affectif aussi et de l'humain qui passe. Très souvent, je ferme les ordinateurs des plus jeunes en disant « Bon, hey, si vous n'êtes pas allé au marché, il faut aller au marché. Hein, » parce que si vous ne savez pas le prix du mil ou le prix du sorgho ou le prix du machin, comment voulez-vous faire quoi que ce soit dans ce pays ? Il faut que vous connaissiez ce qui se passe sur le marché. Ouais, c'est des trucs simples comme ça. Là, maintenant, je trouve nos jeunes collègues beaucoup plus au taquet parce que sous une pression électronique, une pression de reporting et aussi une pression de technicité. Ça devient hyper technique et je trouve parfois qu'il y a une débauche de technicité par rapport à l'expertise demandée. Il faut faire attention. J'espère qu'il ne va pas se vénaliser. Je pense qu'il doit rester désintéressé. Il y a un risque. Il y a un risque que ça devienne un business et que ça devienne une prestation de service. Si ça devient uniquement privé, on risque de perdre parce que l'humanisme est... Moi, je disais souvent aux mon employeur, je veux dire, si je tiens la main à un prisonnier pendant 3 heures à Gaza ou en Israël, territoire occupé, quelqu'un qui est là depuis 30 ans, comment vous allez juger la qualité de mon travail ? Hein, vous allez quantifier ça comment ? Vous voulez que vous tout quantifiez ? Je pense qu'il faut accepter que l'humanitaire ne se quantifie pas. Il faut que les donateurs fassent confiance à certaines organisations et ne leur mettent pas une pression dingue pour savoir exactement ce qu'est devenu leur centime d'euro ou leur dollar. Mais c'est dommage, ce côté de cette hyper traçabilité, qu'il y ait des audits, qu'il y ait du contrôle, c'est très bien. Mais une fois qu'on a confiance, faut laisser les gens faire leur travail sans les obliger de faire des clics ou de remplir une bureaucratie qui, en fait, nous éloigne de la proximité avec les gens qu'on veut aider. Où va l'humanitaire ? Les raisons de l'engagement. Valise ouverte est là-bas, oui. Il y a tout ce qui m'a manqué une fois en 40 ans de mission. Avec Jacques Berès, cofondateur de MSF et chirurgien de guerre. Hervé Le Guillouzic et Nordin Drissi, ancien délégué du CICR. Bartholdi Rensdehan, psychiatre chargé du débrief des humanitaires. Et aussi Katia et Caroline. Merci à Marie Perroudon et à toute l'équipe de Bioforce à Vénissieux. C'est ça la boîte à malice, voilà, il y a tout.